Tira. Tja, tja. Les fesses, il pue du cul. Et ça mes couilles, ça les fesses. Pardon, j'ai pas compris. Caca qui pue des fesses, ouais. Le caca qui pue des fesses, et le poulpe aussi, il le pue les fesses, ça pue, ça pue, ça pue des fesses, ça pue des fesses.